Clapotando ror de sonno quasi Qui me tient et gouverne le monde, et vous Qui la vive n'éclat à ma mère. Thank you. Source lead us in the dark. Thank you.